quelques clichés de toi, tu es tellement jolie. Les clichés, ça me connaît, bien banal, et ma vie. J'ai mon nouveau réflexe, celui que j'aime tant. Les miens sont si mauvais que le tien se défend. Ne fixe pas l'objectif, ça fait pas naturel. Mon regard erre sans but, Dieu que la vie est belle. Y'a pas photo, tu me fais flasher. J'ai les yeux rouges, tu me fais pleurer. Tu es ému, tu es troublé. Juste ébloui, faut pas rêver. Je cadre, ne bouge pas, tu ne tiens pas en place. Je suis cadre toute la semaine, le week-end, ça m'agace. Grande profondeur de champ, l'ensemble est magnifique. Des champs à perte de vue, c'est pas non plus l'Afrique. Bien belle perspective à immortaliser. Un projet de voyage dont tu veux me parler? Y'a pas photo, tu me fais flasher. J'ai les yeux rouges, tu me fais pleurer. Tu es ému, tu es troublé. Juste ébloui, faut pas rêver. Je fais la mise au point, s'il te plaît ne bouge pas. Parlons peu, parlons bien, qu'est-ce qui ne va pas? Cette photo est parfaite, je suis plutôt doué. Plus ridé que moi, tu meurs, tu vas me faire crever. Et cette résolution, je suis impressionné. J'en prends une de ce pas, ne jamais t'épouser. Y'a pas photo, tu me fais flasher. J'ai les yeux rouges, tu me fais pleurer. Tu es ému, tu es troublé. Juste ébloui, faut pas rêver. Y'a pas photo, tu me fais flasher. J'ai les yeux rouges, tu me fais pleurer. Tu es ému, tu es troublé. Juste ébloui, faut pas rêver.